Auditrices, auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Une trentaine de personnes ont été blessées le soir de ce vendredi au centre-ville de Bujumbura lors d'un jeu de grenades, selon le porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique et dans un point de presse ce samedi. Les activités scolaires sont paralysées dans certaines écoles de la mairie de Bujumbura suite à la pénurie de carburant. On fera le point dans cette édition. Ce 11 mai, les Rastas du monde célèbrent l'immortalité de Bob Marley à travers sa musique 43 après sa mort. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Douayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons insécurité pour débuter cette édition. 38 personnes blessées, dont 5 grièvement. Tel est le bilan d'un jet de grenade largué ce vendredi soir sur le parking des bus menant vers le nord de la ville de Bujumbura, a déclaré le porte-parole du ministère de la Sécurité publique ce samedi dans un point de presse. Pierre Mouriquier a fait savoir que 6 personnes ont été arrêtées après les attaques à la grenade dans les zones urbaines de Ngagara et Kamenge. Et une personne est morte lors du jet de grenade dans un débit de boisson à Kamenge. Plus de précisions avec le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Le premier, c'est celui qui est survenu hier, 10 mai 2024, vers 19h, au centre-ville de Bujumbura, à l'ex-marché central de Bujumbura, et dans un parking, là où un terroriste a jeté une grenade sur une foule qui attendait les bus pour rentrer. Et il y a eu immédiatement 38 personnes qui ont été blessées, dont 5 grièvement. Et toutes ces personnes ont été évacuées vers des structures de soins. Il n'y a pas eu de mort. Presque au même moment, à Ngagara, près de la station d'essence appelée Libajas, il y a eu un autre jet de grenade qui n'a pas occasionné de dégâts et qui a blessé l'auteur. Il a été immédiatement appréhendé. Et une autre grenade qu'il s'apprêtait à jeter a été saisie sur lui. Le deuxième cas d'acte terroriste a été perpétré le 5 mai 2024 vers 20h20 à la 6e avenue du quartier Gikizi, dans la zone de Kamenge, en commune de Ntahangwa, de la mairie de Bujumbura, là où un terroriste a jeté une grenade sur une foule qui étanchait sa soif. Et il y a eu 6 personnes qui ont été blessées et malheureusement, une d'entre elles a succombé de ses blessures après évacuation vers une structure de soins. Il y a eu aussi une grenade qui n'a pas explosé dans la même chambre du crime. Et le dernier cas, c'est le cas qui est survenu le 24 avril 2024 vers 19h30, là où les mêmes terroristes ont jeté une grenade sur des transformateurs du courant électrique. C'était Ngagara quartier 10, dans la commune de Ntahangwa, à mairie de Bujumbura. Sur les 2 transformateurs qui ont été attaqués, il y a un qui a été partiellement endommagé. Et la personne qui venait de jeter ses grenades sur ces transformateurs a été immédiatement appréhendée. Nous voudrions tranquilliser la population en lui disant que malgré ces attaques terroristes, les forces de sécurité qui sont chargées de sa protection sont à l'œuvre. Et la preuve est que parmi les auteurs de ces actes de terrorisme, certains ont été appréhendés, certains même en flagrant délit, juste au moment où ils venaient de poser les premiers actes de terrorisme. Donc, la population est invitée à rester tranquille et à surtout redoubler de vigilance, parce que le terrorisme, c'est une guerre de tout le monde, et à jouer pleinement son rôle, surtout à travers la quadrilogie. Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère burundais de la Sécurité et publique. Parlons encore sécurité en commune Kabarole de la province Kayanza, où 4 personnes sont dans les mains de la police depuis le soir de ce vendredi, sont accusées d'assassinat d'un citoyen de cette commune. Plus de détails avec Patrick Nsengiyumva. Des informations en provenance de la colline Gyamukona en commune Kabarole où son maître a eu lieu disent que c'était l'après-midi de ce vendredi où la victime a été attrapée par certains des membres du comité mixte de sécurité à Kabarole et que ceux-là l'ont tabassé avant de la tuer en la poignardant au niveau de la tête à l'aide d'une arme blanche. Les mêmes informations indiquent que le corps de cette personne tuée a été jeté dans la rivière Kanyaru séparant la commune Kabarole et le Rwanda, pays voisin. Des habitants de la colline Gyamukona disent que ces malfaiteurs ont essayé de prendre le large mais qu'ils ont ont été arrêtés par la population avant de le faire. Contacté l'administration communale Kabarole à ce sujet, Saguyebel Kimas, administrateur communal, a confirmé cette information selon laquelle un de ses dirigeants a été tué par certains des membres du comité mixte de sécurité. L'administrateur communal Kabarole s'inscrit en faux contre ce comportement de ses malfaiteurs de commettre le meurtre. Sur la question des uns et des autres à Kabarole qui disent que ces présumés tués sont des jeunes Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir, Saguyebel Kimas, administrateur communal Kabarole, trouve que la justice soit faite pour tous et sans considération de telle ou telle autre appartenance du malfaiteur. Vous saurez que 4 personnes présumées auteurs de son meurtre ont été appréhendées le soir de ce vendredi pour question d'enquête judiciaire. Depuis Kayanza, Patrick Nsengou va pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons éducation à présent. Les activités scolaires sont paralysées suite à la pénurie de carburant, comme déploré par des élèves et responsables de certaines écoles. En mairie de Bujumbura, notre reporter est passé au lycée Notre-Dame de Rohero et au lycée du lac Tanganyika et dans d'autres écoles de la capitale. Voici le reportage d'Ornella Mucho. T'arrives à l'école, t'es fatigué. Lorsque t'arrives, t'es même pas concentré, t'es fatigué. Des élèves de différents établissements de la mairie de Bujumbura se plaignent du déplacement difficile pendant la période de la pénurie du carburant. Certains élèves du lycée Notre-Dame de Rohiru, situé en commune Mukada, c'est tout près du lieu communément appelé Pagidas, qui habite à Gasegni en commune Nangwa, ou à Kanyosha en commune Muha, disent que suite à ce problème, ils arrivent à l'école tardivement et fatigués et pratiquement impossible de se concentrer pour les cours, mais aussi qu'il est difficile de réviser le soir. J'arrive pas à maîtriser la matière du lendemain ou bien la matière prévue pour les interrogations. Le premier problème, c'est quand on est fatigué lorsqu'on est, on vient à l'école. Tu te réveilles, tu te dis « Ok, je vais prendre le bus », mais tu sais déjà que tu ne vas pas avoir le bus. Et ça, c'est un problème parce que tu arrives à l'école, tu es fatigué. Lorsque tu arrives, tu n'es même pas concentré. Je me suis déjà absenté, je me suis dit « Ok ». Hier, j'étais trop fatigué, je suis rentré à pied. Ça fait 2 jours que je suis rentré à pied. Et je me suis dit « Aujourd'hui, je n'ai pas d'interrogation, donc il faut que je me repose vu que je récupère. » quoi. Pour moi, ce que je pourrais proposer, c'est que nous, en tant qu'élève, on pourrait, je dirais, être favorisé. Genre, en tant qu'élève, on pourrait nous mettre devant pour qu'on puisse vraiment, même si c'est de se mettre les heures, de 6h jusqu'à 6h30, il y a les bus pour les élèves, que ça soit comme ça. S'il y a un élève qui n'a pas pu être là, il aura à faire la queue comme les autres. Geneviève Chimelimana, préfète des études au lycée Notre-Dame de Rohiru, indique qu'à côté du retard des élèves, les enseignants ne sont pas non plus épargnés. Quelques mesures ont été prises, comme ne pas donner les interrogations dans les premières heures. Dans ce programme, il y a encadrement d'études matinales et tangura sa kuminazibiri na mirongine nitanu. Guhera irikenagi gitoro. Nous avons un programme d'études matinales qui commence à 6h45, mais depuis la pénurie du carburant, les élèves arrivent tardivement. On tolérait les retards jusqu'à 7h15, mais aujourd'hui, on observe des retards jusqu'à 8h, même au-delà de 9h. Et cela n'arrive pas seulement aux élèves, mais aussi aux enseignants et nous, les responsables. On demande à ce que le gouvernement puisse trouver des solutions dans l'immédiat afin que la situation redevienne normale dans le système éducatif. Ces perturbations sont également signalées à l'école indépendante de Bujumbura. Selon les responsables de cette école, les bus scolaires chargés d'assurer le transport des élèves s'absentent souvent et ces derniers arrivent en retard. Même situation au lycée du lac Tanganyika. La directrice Olive Habunmana indique que suite à la pénurie du carburant, quelques programmes ont été suspendus, entre autres les cours donnés dans l'après-midi, les lundis et mercredis. Tout s'appelle le gouvernement à tout faire pour un retour à la normale. Ornella Mucho, parlons santé à présent. Le ministère de la Santé publique tranquillise qu'il n'y a pas de cas d'Ebola au Burundi dans un communiqué du 10 mars de cette année rendu public après la mort d'une jeune fille suite au syndrome hémorragique Ebola. La ministre Lidouine Baradehana révèle que les résultats des laboratoires extérieurs sont revenus négatifs. Toutefois, le ministre de la Santé appelle les Burundais à observer les mesures d'hygiène pour se prévenir contre de probables maladies épidémiologiques. Suivez. Conformément à la promesse faite à l'opinion nationale et internationale, dans notre communiqué à la presse du 6 mai 2024, en rapport avec les fausses informations qui circulaient sur la toile au sujet d'une fille congolaise de 9 ans qui avait consulté à l'hôpital militaire de Kamenge en provenance d'Uvira, district de Murongwe, province du Tanganyika, le jeudi 2 mai 2024, et qui est décédée suite au syndrome qui ressemblait bien au syndrome hémorragique, je porte à la connaissance du public que les résultats des laboratoires de Goma en RDC et d'Entebbe en Ouganda nous sont revenus négatifs. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida certifie dès lors que la pathologie qui a emporté malheureusement la défunte n'était pas Ebola. Néanmoins, nous invitons la population à ne pas baisser la garde, à observer scrupuleusement les mesures barrières contre les épidémies, surtout en ces moments où les pays de la sous-région en général, et le Burundi en particulier, font face à la résurgence des maladies épidémiques. Docteur Lidouine Baradehana, ministre de la Santé publique. Les médiateurs collinaires de la colline Songa en commune et province Gitega indiquent qu'ils font face au problème de manque de matériel de travail, tels les parapluies, les vêtements imperméables. Et à propos, le porte-parole du ministère de la Justice les invite à se confier au service chargé de l'octroi de ce matériel. Les détails avec Gérard Nibigira. Les médiateurs collinaires de la colline Songa, commune et province Gitega, disent qu'il leur manque beaucoup de matériel tel les parapluies, les vêtements imperméables, les bottines pour la protection de leurs pieds, les registres, les stylos et le papier pour constituer les convocations des gens en besoin de leur médiation. Ils demandent alors au ministère de la Justice de leur octroyer tous ces objets mentionnés, plus des documents juridiques qui leur avaient été promis mais en vain. De son côté, le porte-parole du ministère de la Justice, Madame Heshimana Anne-Marie, fait savoir que tous les médiateurs et collinaires de ce pays ont reçu le matériel nécessaire qui évidemment se termine. Ainsi, elle ajoute que les médiateurs savent où s'approvisionner, d'où alors elle les invite à se présenter au service chargé des approvisionnements de ce matériel qu'ils réclament. Toutefois, les médiateurs collinaires de Songa expliquent qu'ils ont toujours réclamé le matériel acquis de droit mais en vain et qu'ils ont reçu un seul registre et révèle qu'il partage cette situation avec les médiateurs collinaires des autres collines. Il signale en outre qu'ils utilisent leurs moyens en achetant les registres et le papier pour constituer les convocations à adresser aux gens en besoin de leur médiation, mais aussi pour payer le ticket de transport pour acheminer au tribunal de résidence de Gitega les procès verbaux des conclusions relatives au compromis de leur médiation. À propos, la porte-parole du ministère de la Justice répond qu'ils ne devraient pas utiliser leurs moyens et au contraire, ils devaient approcher le service chargé de leur octroyer le matériel afin qu'ils ne viennent pas plus tard réclamer les moyens qu'ils auraient utilisés. Cela parce que personne ne leur a demandé d'utiliser leurs moyens, mais plutôt d'assurer la médiation des gens en conflit. Cela étant, les médiateurs collinaires de Songa promettent de continuer à accomplir leurs tâches malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Parlons encore justice. Comparution lundi 6 mai en chambre de conseil du tribunal de grande instance de Mukaza de la journaliste Sandra Mohoza du journal Nova Burundi accusée d'atteinte à l'intégrité territoriale et d'aversion raciale. Selon son avocat maître Prosper Nyoyangana, cette comparution avait pour but de décider sur le maintien ou non de la détention préventive. Mais jusqu'ici, la justice n'a pas encore publié le verdict qui devrait sortir dans 48 heures. La défense déplore la façon dont la journaliste a été arrêtée dans des circonstances douteuses. Maître Nyoyangana demande à la justice burundaise de relâcher Sandra Mohoza car selon lui, le chef d'accusation n'est pas fondé car basé sur des commentaires tenus dans un groupe WhatsApp. Et le journaliste Kenny Claude Ndouimana a comparu lundi 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukasa détenu à la prison centrale de Mbimba. Depuis octobre l'année passée, il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et de l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet de cette année et pour cause, son co-accusé dans cette affaire, qui a été libéré provisoirement, ne s'est pas présenté pour l'audience du jeudi 2 mai. Parlons musique. 43 ans après la mort de l'artiste jamaïcain Robert Nesta Marley, il vient encore à travers sa musique reggae qu'il a exporté au monde entier. Son message est basé sur la lutte contre l'exclusion, la domination de tout genre, la corruption et l'exploitation. Il plaidait pour l'égalité, les droits de l'homme et l'amour. Bob Marley est mort le 11 mai 1981 suite au cancer. Le point avec Christian Savier. Greetings in the name of His Majesty Emperor Haile Selassie I, Jah Rastafari. Le 11 mai ne peut jamais passer inaperçu. C'est une journée de mémoire et aussi commémorée par les descendants des esclaves et des Rastas du monde entier. Pour rendre hommage à l'artiste Bob Marley, disparu en 1981, Robert Nesta Marley reste très populaire sur les cinq continents. Bob Marley est une figure emblématique qui combat pour la liberté, la souveraineté et la dignité des peuples opprimés. Avec le mouvement Rasta, il réincarne l'éveil de l'humanité à une révolution spirituelle contre Babylone, l'oppresseur. Aujourd'hui, sa musique est toujours écoutée, jouée, reprise et traduite chaque jour aux quatre coins du globe. Son message se base beaucoup plus sur la justice et l'amour naturel pour le genre humain. Un jour, il déclara lors d'une interview : aimez la vie que vous vivez, vivez la vie que vous aimez, réveillez-vous et vivez. La musique, poursuit-il, peut rendre les gens libres. Il suffit de la leur injecter constamment. N'enterrez pas vos pensées, faites de votre vision une réalité. Avec son 43e anniversaire de son départ pour Zion, Bob Marley est véritablement un prophète. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui a assuré la mise en onde. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de presse et très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyang. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Inquiétude autour de la gestion des missions de travail.